Chapitre 12e. C'était par un après-midi de fin d'août. Chez Miss Hatchard, dans une pièce du rez-de-chaussée, plusieurs jeunes filles étaient assises dans un gai fouillis d'andrinople, de drapeaux étoilés, d'étamines bleues et blanches, de guirlandes et de rubans tricolores. North Dormer se préparait pour la fête du Old Home Week. Cette sorte de décentralisation sentimentale était encore à ses débuts. Les précédents étaient rares. Et l'affaire était devenue un sujet de longues discussions sous le toit de Miss Hatchard. L'encouragement à célébrer la fête venait plutôt de ceux qui avaient quitté North Dormer que de ceux qui avaient été obligés d'y demeurer. Il y avait quelques difficultés à soulever dans le village l'enthousiasme nécessaire. Le salon désuet de Miss Hatchard était donc devenu le centre d'allées et venues constantes. On arrivait de Hepburn, de Nettleton, de Springfield, et même de villes plus éloignées, et chaque fois qu'un visiteur se présentait, on le conduisait à travers l'antichambre pour lui permettre de jeter un coup d'œil sur le groupe de jeunes filles absorbées dans leurs jolis préparatifs. « Tous les vieux noms du pays, tous les vieux noms », entendait-on dire à Miss Hatchard, faisant sonner ses béquilles sur le parquet de l'antichambre, « Targat, Solas, Fry. » « Voici Oma Fry qui coule les étoiles de la draperie pour la tribune de l'orgue. Ne vous dérangez donc pas, mes petites. Et voici Miss Allihouse, notre plus habile ouvrière, et Miss Charity Royal, en train de faire des guirlandes de verdure. J'ai voulu que tout fût fait au village même. N'êtes-vous pas de mon avis? Nous avons fait appel à aucun talent étranger. Mon jeune cousin Lucius Harney, l'architecte, vous savez qu'il prépare un livre très intéressant sur les vieilles maisons du pays, a pris tout en main et très habilement, croyez-moi. Venez donc voir sa maquette du décor que nous allons faire construire dans la salle de l'hôtel de ville. » Un des premiers résultats de toute cette agitation pour le Old Home Week avait été la réapparition de Lucius Harney à North Dormer. Après son départ subi, on avait dit dans le pays qu'il s'était fixé à peu de distance de North Dormer. Mais depuis quelques semaines, personne ne l'avait aperçu. Quelques-uns avançaient qu'il avait séjourné à Creston River, d'autres que depuis longtemps il avait tout à fait quitté le voisinage. Cependant, bientôt après le retour de Miss Hatchard, il revint prendre son logement chez elle, et se mit à diriger les préparatifs de la fête. Il s'y prit avec beaucoup de zèle et de bonne humeur, et fit tant de croquis de maquettes pour la fête qu'il donna une grande impulsion à l'enthousiasme languissant du village. Lucius a un tel culte du passé qu'il réveille chez nous tout le sentiment de nos privilèges, disait Miss Hatchard, en appuyant sur le dernier mot qu'elle affectionnait particulièrement. Et avant de reconduire son visiteur au salon, elle répétait pour la centième fois que sans doute, il trouvait très audacieux pour un village comme North Dormer de se mettre ainsi en avant et d'organiser son home week, alors que bien des endroits plus importants n'y avaient pas encore songé. Enfin, ajouta-t-elle, c'étaient les traditions qui comptaient en pareil cas, bien plus que le nombre d'habitants. Or, North Dormer avait toujours eu le culte des traditions. Historiques, littéraires. Ici, Miss Hatchard poussait un soupir filial au souvenir du jeune Honorius et ecclésiastique. Le visiteur avait certainement entendu parler de l'ancien calice importé d'Angleterre en 1769, le plus précieux ornement de leur église. Dans une époque brutalement matérialiste, il était tellement nécessaire de donner l'exemple d'un retour aux anciens idéaux, à la famille, au foyer. Cette péroraison les conduisait d'habitude à mi-chemin de l'antichambre, ce qui permettait aux jeunes filles de retourner à leurs travaux interrompus. Le jour que Charity était occupée à tresser des guirlandes de feuillage pour l'estrade de l'hôtel de ville était la veille de la fête. Lorsque Miss Hatchard avait réquisitionné toute la jeunesse féminine de North Dormer pour collaborer aux préparatifs, Charity s'était d'abord tenue à l'écart. Mais elle avait fini par comprendre que son abstention susciterait de fâcheux commentaires, et bien qu'à contre-cœur, elle s'était jointe à ses jeunes camarades. Les jeunes filles, d'abord timides et embarrassées, ne comprenant pas tout à fait la raison d'être de la commémoration projetée, s'étaient pourtant bientôt intéressés aux amusants détails de leur tâche et se montraient joyeusement flattés de l'attention qu'on leur témoignait. Pour rien au monde, elles n'auraient manqué leur après-midi chez Miss Hatchard. Et tout en fabriquant les 1000 accessoires de la fête, elles faisaient de leur babillage un accompagnement ininterrompu à la machine à coudre. Au milieu de tous ces bruits, le silence de Charity passait inaperçu. Elle se tenait à part, absorbée, inconsciente, perdue dans toute l'animation joyeuse qui l'entourait. Depuis son retour à la Maison Rouge, le soir du jour où Harney l'avait arrêtée dans sa fuite vers la montagne, elle avait vécu à North Dormer comme suspendue dans le vide. Il était revenu parce que Harney, après avoir paru admettre l'impossibilité de ce retour, avait fini par la persuader que toute autre décision serait folie. Elle savait d'elle-même qu'elle n'avait plus rien à craindre de Mr. Royal. Elle l'avait même affirmé à Harney, bien qu'elle eût omis de dire que son tuteur lui avait à deux reprises offert le mariage. Ça, elle l'empêchait, pour le moment, de dire quoi que ce soit, qui eût pu excuser Mr. Royal aux yeux de Harney. Celui-ci, une fois persuadé qu'elle ne courait en somme aucun risque en rentrant chez son tuteur, avait tout fait pour l'inciter au retour. La première raison qu'il faisait valoir était qu'elle n'avait pas d'autre refuge, et celle sur laquelle il appuya le plus fut que sa fuite équivaudrait presque à un aveu. Si des rumeurs de la scène scandaleuse de Nettleton, chose presque inévitable, arrivaient jusqu'à North Dormer, comment sa disparition serait-elle interprétée? On dirait que son tuteur l'avait démasqué en public et qu'elle avait immédiatement quitté la maison. Ceux qui voudraient interpréter son départ d'une façon malveillante ne manqueraient pas d'en tirer une conclusion fâcheuse pour elle. Mais si, au contraire, elle revenait tout de suite, et si on la voyait reprendre son existence accoutumée, l'incident serait réduit à ses proportions véritables, comme n'étant que l'accès de colère d'un vieil ivrogne furieux d'être surpris en mauvaise compagnie. On ne manquerait pas de dire que Mr. Royal avait insulté sa pupille pour se justifier lui-même, et l'ignoble histoire irait rejoindre la chronique déjà longue de ses obscures débauches. Charity vit la force de l'argument, mais si elle y donna son acquiescement, ce ne fut pas tant par conviction que parce que tel était le désir de Harney. Depuis la soirée passée dans la petite maison abandonnée, elle ne pouvait imaginer aucun motif qui la pousserait à marcher à l'encontre du moindre désir manifesté par lui. Toutes ses impulsions, si variables et si contradictoires, étaient maintenant absorbées dans une acceptation fataliste de la volonté de celui qu'elle aimait. Ce n'était pas qu'elle sentit en lui aucun ascendant de caractère. Déjà, elle s'était aperçue qu'elle était la plus forte. C'était parce que pour elle, en dehors des heures passées avec lui, tout n'était plus qu'un champ obscur entourant le foyer lumineux de leur passion. Toutes les fois qu'elle cessait, même un instant, de penser à son amour, elle éprouvait une impression pareille à celle qui lui venait lorsqu'après avoir fixé longtemps le soleil, elle reportait ses yeux éblouis sur les choses alentour, devenues indistinctes et presque invisibles. Chaque fois que Miss Hatchard, au cours de ses incursions périodiques dans l'atelier, laissait échapper une allusion à son jeune cousin l'architecte, l'effet était le même sur Charity. La guirlande verdure qu'elle tressait retombait sur ses genoux et elle entrait dans une sorte d'extase. C'était si manifestement absurde d'entendre Miss Hatchard parler de Harney d'une façon si familière, comme si elle avait un droit quelconque sur lui ou connu de lui quoi que ce soit. Elle, Charity Royal, était le seul être qui le connut réellement, qui le connut depuis la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux, qui connut les lueurs changeantes de ses yeux et les inflexions de sa voix, et ce qu'il aimait ou n'aimait pas, et tout enfin de ce qui pouvait être connu de lui, d'une façon aussi détaillée et pourtant aussi inconsciente que celle de l'enfant évoquant l'image de la chambre où il s'éveille chaque matin. C'était cette sensation que nul autour d'elle ne devinait, ou même n'aurait pu comprendre, qui faisait de sa vie quelque chose d'à part et d'inviolable, comme si rien ne pouvait la blesser ni la troubler aussi longtemps que son secret serait à l'abri des curiosités vulgaires. La pièce dans laquelle se tenaient les jeunes filles était celle qui avait servi de chambre à coucher à Harney. On lui avait donné une autre chambre à un étage supérieur pour faire place aux ouvrières du Home Week. Mais on n'avait pas enlevé les meubles, et Charity avait là, perpétuellement devant les yeux, la vision qu'elle avait contemplée la nuit qu'elle s'était cachée dans le jardin. La table où Harney s'était assis était celle autour de laquelle étaient groupées les jeunes filles. La place de Charité était tout près du lit où elle l'avait vue étendue. Parfois, quand elle était sûre qu'on ne la regardait pas, elle se penchait comme pour ramasser quelque chose et poser un instant sa joue brûlante sur l'oreiller. À la chute du jour, les jeunes filles se séparèrent. Leur travail était terminé, et le lendemain matin, les draperies et les guirlandes devaient être clouées et les banderoles peintes mises en place dans la grande salle de l'hôtel de ville. Les premiers invités devaient arriver en voiture de Hepburn pour le banquet de midi, banquet qui aurait lieu sous une tente dressée dans la prairie de Miss Hatchard. C'est seulement après le repas que commenceraient les cérémonies. Miss Hatchard, pâle de fatigue et d'émotion, se tint sur le perron, appuyée sur ses béquilles, remerciant ses jeunes aides et leur faisant d'affectueux gestes d'adieu tandis qu'elle s'éloignait. Charity était partie une des premières, mais en franchissant la grille du jardin, elle s'entendit appeler par Lee Hawes, et se retourna contre Cor. « Voulez-vous venir essayer votre robe ?» demanda Ali, la regardant avec une envieuse admiration. « Je veux m'assurer que les manches ne grignent pas comme hier. » Charity fixa sur elle ses yeux vagues. « Oh » dit-elle, « les manches sont très bien. » Elle se sauva précipitamment, sans écouter les protestations de Ali. Certes, elle voulait que sa robe fût aussi jolie que celle des autres. Elle voulait même éclipser ses compagnes. Mais pour le moment, il lui était impossible de fixer son attention sur des questions aussi insignifiantes. En hâte, elle remonta la rue jusqu'à la bibliothèque, dont elle avait la clé suspendue à son cou. Du couloir derrière la malle, elle tira une bicyclette qu'elle fit rouler jusqu'à la rue. Elle s'assura qu'aucune de ses compagnes de travail n'approchait, puis elle sauta en selle et prit la direction de la route de Creston. La route descendait presque continuellement jusqu'à Creston, et les pieds appuyés sur les pédales libres, Charity se laissait glisser à travers l'air calme du soir, comme un de ces éperviers qu'elle avait souvent vu descendre du ciel en planant, les ailes immobiles. 20 minutes plus tard, elle s'engageait dans la route forestière où Arnel avait arrêté le jour de sa fuite, et bientôt descendait de sa bicyclette à la porte de la maison abandonnée. Dans la cendre d'or du couchant, la maison ressemblait plus que jamais à une frêle coquille desséchée et polie. Charity en fit le tour, poussant sa bicyclette devant elle. Derrière la maison se voyaient des signes d'occupation récente. Une porte rudement construite en planches fermait l'entrée de la cuisine. Elle l'ouvrit et pénétra dans une pièce meublée comme une hutte de trappeur. Devant la fenêtre, une table en bois blanc avec une cruche de grès dans laquelle trempait un gros bouquet de reines marguerites sauvages. Près de la table, deux pliants, et dans un coin, un matelas recouvert d'une couverture mexicaine de laine bariolée. La pièce était vide. Appuyant sa bicyclette contre le mur, Charity monta la pente qui dominait la maison et alla s'asseoir sur un rocher à l'ombre d'un vieux pommier. L'air était très calme, et de l'endroit où elle se trouvait, elle pouvait entendre le grelot d'une bicyclette de très loin. Elle était toujours heureuse d'arriver la première au rendez-vous de Harney. Il lui était doux d'avoir le temps de goûter dans chaque détail le charme mélancolique de cette retraite, les vieux pommiers tordus dont l'ombre se balançait sur l'herbe, les noyers arrondissant leurs dômes en contrebas de la route, les prairies en pente qui s'étendaient vers le couchant, avant que le premier baiser de son ami n'eût effacé cette douce vision. Tout ce qui était sans rapport avec les heures passées dans ce lieu tranquille était pour elle aussi vague que le souvenir d'un songe. La seule réalité était le merveilleux élan de son nouveau moi, jaillissant vers la lumière, comme une plante grimpante ouvrant ses vrilles contractées. Elle avait toujours vécu parmi des gens dont la sensibilité semblait s'être émoussée faute d'exercice, et plus douce encore que les caresses de Harney étaient les paroles qui semblaient les prolonger et les compléter. Elle avait toujours pensé à l'amour comme à quelque chose de furtif et de crépusculaire. Le matin où il lui avait montré le chemin de la maison abandonnée, le jeune homme avait rassemblé ses bagages et quitté Creston River pour Boston. Mais à la première station, il avait sauté du train avec un petit sac à main et pris le chemin des collines. Pendant 2 semaines d'août, toutes dorées de soleil, il avait campé dans la petite maison, s'approvisionnant d'œufs et de lait qu'il achetait dans une ferme isolée de la vallée où nul ne le connaissait. Il faisait cuire ses repas sur un réchaud à alcool, se levait tous les jours avec le soleil, allait se baigner dans un étang perdu dans les profondeurs de la forêt, passait de longues heures étendues sous les branches embaumées des sapins du Canada, ou bien errait le long de la craie de l'Eagle Ridge, au-dessus des vallées désertes qui se perdaient entre les collines bleues. Et là, chaque après-midi, Charity venait le rejoindre. Avec ce qui lui restait de l'argent que Mr. Royal lui avait donné, elle avait loué une bicyclette à Creston. Tous les jours, après le repas de midi, aussitôt que son tuteur partait pour son étude, elle courait à la bibliothèque, prenait sa bicyclette et filait sur la route de Creston. Elle savait que Mr. Royal, comme tout le monde à North Dormer, était parfaitement au courant de son acquisition. Peut-être même savait-il, ainsi que tous les voisins, l'usage qu'elle en faisait. Elle sentait son tuteur si dépourvu d'autorité que s'il l'avait questionné, elle lui eût probablement dit la vérité. Mais il ne s'était jamais adressé la parole depuis le jour de leur rencontre à Nettleton. Mr. Royal, cette fois, n'était revenu à North Dormer que le surlendemain. Il était arrivé juste au moment où Charity et Verena étaient en train de dîner. Il avait avancé sa chaise, pris sa serviette dans le tiroir du buffet et s'était assis à sa place d'un air aussi peu embarrassé que s'il était rentré d'une de ses séances quotidiennes chez Carrick Fry. Et l'indifférence habituelle de Charity à son égard fit paraître tout naturel qu'elle ne leva pas les yeux quand il était entré. Seulement, pour bien lui faire comprendre que son silence était volontaire, elle avait quitté la table sans dire un mot avant qu'il eût fini de manger et était remontée chez elle. Depuis lors, il avait pris l'habitude de causer familièrement avec Verena chaque fois que Charity était dans la pièce, autrement rien n'avait été changé dans leur rapport. Charity, tandis qu'elle guettait l'arrivée de son amant, ne pensait pas ces choses d'une manière suivie. Mais leurs souvenirs demeuraient dans son esprit comme un fond sombre sur lequel les heures brèves passées avec Arnay brillaient comme un incendie dans la forêt. Rien d'autre n'apportait ni le bien ni le mal, ou ce qui aurait pu lui sembler tel avant qu'elle connût son amant. Il l'avait prise, emportée dans un monde nouveau, hors duquel, à des heures fixes, l'ombre d'elle-même s'échappait pour accomplir certains actes quotidiens. Mais tout cela lui semblait si vague, si peu réel, qu'elle s'étonnait parfois d'être visible pour les gens parmi lesquels elle allait et venait. Derrière la montagne toute noire, le soleil était descendu dans une mer d'or calme. D'un pâturage dans les hauteurs, le tintement de cloches d'un troupeau sonnait. Un peu de fumée bleue flottait au-dessus de la ferme dans la vallée, se dispersait dans l'air pur et s'y perdait. Pendant quelques instants, dans cette ombre transparente qui précède le crépuscule, les champs et les bois se dessinèrent avec une précision irréelle. Puis la nuit les effaça, et la petite maison devint toute grise et spectrale sous les branches de ces vieux pommiers. Le cœur de Charity se serra. La chute de la nuit après un jour rayonnant lui donnait souvent l'impression d'une menace cachée. C'était comme un symbole de sa propre vie, telle qu'elle serait quand l'amour en serait parti. Elle se demandait si un jour viendrait, ou assise à cette même place, elle attendrait en vain celui qu'elle aimait. Le grelot de la bicyclette tinta sur la route. Elle courut à la rencontre de Arnay, et tous deux s'étreignirent, les yeux dans les yeux. Ils marchèrent alors ensemble dans l'herbe jusqu'à la porte de derrière de la maison. La chambre leur parut d'abord tout à fait sombre, et ils durent s'avancer lentement en se tenant la main. Par la fenêtre, le ciel semblait clair par contraste, et au-dessus de la masse noire des fleurs dans la cruche de grès, une étoile blanche flottait comme à Phalène. « Tant de choses à faire à la dernière minute !» disait Arnay en riant. « J'ai dû aller en voiture à Creston à la rencontre d'une personne qui descend chez ma cousine pour la fête. » Il avait mis ses bras autour de Charity et lui baisait les cheveux et les lèvres. Sous ses caresses, des sensations nouvelles se dégageaient du plus profond de l'être de la jeune fille et jaillissaient comme des fleurs au soleil. Elle avait noué ses doigts aux doigts de Arnay. Ils allèrent s'asseoir sur la couche improvisée. Charity n'écoutait qu'à peine les excuses de son amant. En son absence, mille doutes la tourmentaient, mais dès qu'il paraissait, elle cessait de se demander d'où il venait, ce qui l'avait retardé, qui l'avait retenu loin d'elle. Il semblait que le lieu où il avait été et les gens avec qui il s'était trouvé devaient cesser d'exister dès qu'il les avait quittés, de même que sa propre vie était comme suspendue en son absence. Il continuait maintenant à parler avec abondance, très gai, déplorant son retard, bougonnant au sujet de l'abus que l'on faisait de son temps et mimant d'une façon comique la bienveillante agitation de Miss Hatchard. « Elle a dépêché Mr. Miles pour demander à votre tuteur de faire un discours à la cérémonie de demain. Je ne l'ai su que la chose faite. » Charity garda le silence et il ajouta. « Après tout, peut-être est-ce aussi bien. Je ne sais pas trop qui aurait pu le faire à sa place. » Elle ne se souciait nullement du rôle que son tuteur pourrait jouer ou ne pas jouer dans les cérémonies du lendemain. Comme tous les êtres peuplant son petit univers, Mr. Royal était devenu pour elle inexistant. Elle avait même cessé de le haïr. « Demain, je ne vous verrai que de loin, » continua Arnay. « Seulement, nous nous rattraperons dans la soirée, lorsqu'on dansera à l'hôtel de ville. Voulez-vous que je vous promette de ne pas danser avec les autres jeunes filles ?»« D'autres jeunes filles. Il y en avait donc d'autres. » Charity avait même oublié ce péril, tant il lui semblait que tous deux vivaient enfermés dans un monde secret. Son corps eut un sursaut d'effroi. « Oui, promettez, » balbutia-t-elle. Il rit, la prenant dans ses bras. « Petite folle, pas même si elles sont laides ?» demanda-t-il. De son geste habituel, il lui écartait les cheveux du front, lui tenant le visage renversé, et se penchant si près d'elle que sa tête se dessina toute noire entre les yeux de Charity et la pâleur du ciel où flottait l'étoile blanche. Côte à côte, très tard, ils revinrent par la route sombre, sous bois, jusqu'au village. La pleine lune brillait au-dessus d'eux, et sous son éclat, le gris fluide des montagnes se changeait en un noir intense. Le ciel était tellement inondé de lumière que les étoiles y paraissaient aussi pâles que leur propre reflet dans l'eau. À l'orée du bois, à 1 kilomètre de North Dormer, Arne sauta de sa bicyclette, prit Charity dans ses bras pour un dernier baiser et attendit pendant qu'elle rentrait seule au village. Ils étaient plus en retard que d'habitude, et au lieu de conduire sa bicyclette jusqu'à la bibliothèque, elle la rangea contre le hangar de la Maison Rouge et entra dans la cuisine. Verena y était seule. Lorsque Charity entra, la sourde la fixa de ses yeux doux impénétrables, alla prendre une assiette couverte et un verre de lait sur le buffet, et les posa silencieusement sur la table. Charity la remercia d'un signe de tête, et s'asseyant, se jeta affamée sur sa tranche de pâté et vida le verre d'un trait. Sa fuite rapide à travers la nuit lui avait mis le visage en feu, et ses yeux étaient éblouis par le clignotement de la lampe de cuisine. Elle se sentait comme un oiseau de nuit subitement pris et mis en cage. « Il n'est pas rentré depuis le souper, » dit Verena. « Il est allé jusqu'à l'hôtel de ville. » Charity n'entendit même pas. Son âme volait encore par la forêt. Elle lava et rangea son couvert et monta ensuite en tâtonnant l'escalier sombre. Quand elle ouvrit sa porte, elle s'arrêta toute surprise. Elle avait fermé ses volets avant de sortir, pour empêcher la chaleur du jour d'entrer dans la chambre. Mais le vent les avait en partie ouverts, et un rayon de lune, traversant la pièce, s'était posé sur son lit, montrant étalée sur la couverture une robe d'une virginale blancheur. Charity avait dépensé son dernier sou pour cette robe, qui devait éclipser celle de toutes les autres jeunes filles. Elle voulait que North Dormer vît qu'elle était digne de l'admiration de Harney. Au-dessus de la robe, pliée sur l'oreiller, était le voile blanc que les jeunes filles prenant part à la cérémonie devaient porter sous une guirlande de reine Marguerite, et à côté du voile, elle aperçut une paire de souliers de satin blanc qu'Ali avait sorti d'une malle où elle gardait en réserve de mystérieux trésors. Charity restait immobile, contemplant toutes ces blancheurs étalées. Cela lui rappelait une vision fugitive qu'elle avait eue dans la nuit après sa première rencontre avec Arne. Elle n'avait plus eu désormais de telles visions. D'autres plus chaudes et plus vivantes les avaient effacées. Mais elle en voulait à Ali d'avoir étalé ses vêtements blancs sur son lit, tout à fait comme la robe de noces de Hattie Targat avait été exposée quand elle s'était mariée avec Tom Fry. Charity prit les souliers de satin et les regarda avec curiosité. Le jour, il paraîtrait sans doute un peu usé, mais au clair de lune, il semblait taillé dans l'ivoire. Elle s'assit sur le plancher pour les essayer. Il lui allait parfaitement, bien qu'une fois debout, elle ne se sentît pas tout à fait d'aplomb sur les hauts talons. Elle regarda ses pieds, que ses fines chaussures moulaient, les arquant merveilleusement et les amincissant. Elle n'en avait jamais vu de pareil, pas même aux vitrines de Nettleton. Jamais, sauf, oui, une fois. Elle en avait remarqué une paire de la même forme, Annabelle Balch. Une subite rougeur lui monta aux joues. Ali faisait parfois un peu de couture pour Miss Balch quand cette dernière descendait chez Miss Hatchard. Sans doute recueillait-elle des cadeaux, des épaves de la garde-robe de la jeune fille riche et élégante. Tous les trésors d'Ali lui venaient des personnes pour lesquelles elle travaillait. Charity ne doutait pas que les souliers blancs eussent appartenu à Annabelle Balch. Comme elle se tenait là, regardant ses pieds d'un air timide, elle entendit sous sa fenêtre la sonnette d'un grelot d'une bicyclette agitée 3 fois. C'était le secret signal de Harney rentrant au village. Elle courut à la fenêtre, trébuchant sur ses hauts talons, ouvrit tout grand ses volets et se pencha dehors. Harney, levant la tête, lui fit signe de la main en passant et continua sa course, son ombre noire dansant joyeusement devant lui sur la route vide, blanchie par la lune. Charity, appuyée sur le rebord de la fenêtre, le guetta jusqu'à ce qu'il eût disparu sous les sapins de Miss Hatchard.